Vous écoutez l'émission de Marie-Claire Tellier. Actualité internationale, un nouveau regard sur Radio Impact. Barcelone, non merci. J'ai vu Palerme, j'ai vu Paris. Leur voie piétonne et leur boutique, leur flot nippone épileptique. Partout foisonne de l'identique. Le grand marché est extatique. Viens mon enfant, viens dans ma sœur. Car du voyage, ce n'est plus l'heure. Prenons le train au fond du lit. Car du voyage, c'est bien fini. Los Angeles, non merci. J'ai vu Bombay et Cracovie. Leur muséum bien engorgé. Leurs autochtones bien submergés. Je cherche un homme. Voici le touriste en bermudé et sa gueule triste. Viens mon enfant, viens-t'en ma sœur. Car les vaisseaux ne vont pour l'heure qu'à Paris-Land ou même City. Oui, du voyage, c'est bien fini. Amsterdam, non merci. J'ai vu Dublin, j'ai vu Séville. Leurs aéroports drainant leur masse de trois quarts morts, bouffés d'angoisse. Leur surenchère à la vertu, leur pittoresque à perte de vue. Viens mon enfant, viens-t'en ma sœur. Car de l'or brillant les splendeurs, de l'Occident l'effervescence, et du Midi l'incandescence, du Grand Nord la mélancolie. L'amant secret pleure l'agonie. Car du voyage, c'est bien fini. Oui, du voyage, c'est bien fini. Oui, du voyage, c'est bien fini. Oui, du voyage, c'est bien fini. Bonjour tout le monde. Nous sommes le 1er mai 2020. Ici Marie-Claire Tellier sur Radio Impact. Aujourd'hui, je vais vous lire une étude qui montre une corrélation directe entre les réseaux 5G et les épidémies de coronavirus. Sujet qu'on ne peut plus parler sur Facebook, sinon on se fait fermer notre compte. Le dernier en date, ce matin, qui s'est fait fermer son compte, c'est le célèbre David Icke. David Icke dénonce la cabale depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, sa page Facebook a complètement disparu. Je vais commencer avec la lecture de l'article que je vais vous présenter aujourd'hui. Excusez. Enfin, la première étude a vu le jour sur la relation très claire entre les épidémies de coronavirus et la présence de réseaux 5G. Merci à Claire Edwards d'avoir rendu cela disponible en anglais. Étude de la corrélation entre les cas de coronavirus et la présence de réseaux 5G. L'auteur est Bartomeu Pieras. C'est disponible sur un site. S'il y en a qui le veulent, vous me le demanderez par après. Je vais vous donner le site. Ça a été traduit de l'espagnol par Claire Edwards en anglais et de l'anglais au français par moi. Ça a été fait en date de avril 2020. La pandémie de coronavirus et ses effets au début de 2020 ont surpris les scientifiques et les politiciens. Si une étude visant à comprendre le phénomène et pouvant par conséquent aider à clarifier les causes de la pandémie est réalisée, elle doit être promue ou prise en considération. La corrélation entre les cas de coronavirus et la présence de réseaux 5G a été abordée dans les médias alternatifs et les médias sociaux. Il est à noter que, au moins en Espagne, les médias n'ont pas couvert les études scientifiques au sujet de la 5G, ni posé de questions au gouvernement à ce sujet dans les conférences de presse quotidiennes qu'ils mènent pour rendre compte de l'état de la situation. L'équipe de scientifiques conseillant le gouvernement espagnol n'a pas non plus soulevé cette question. Il est de bon sens que la capacité de démontrer cette corrélation serait des données très importantes pour contribuer à la compréhension et à la solution du problème. L'objectif. L'objectif ici est d'évaluer s'il existe une corrélation entre les cas de coronavirus et la présence de réseaux 5G. Sans entrer pour le moment dans des approches de cause à effet ultérieures en cas de résultats positifs. Étant donné qu'il existe un échantillon statistique suffisamment grand, il est possible que les résultats obtenus aient un haut niveau de fiabilité. Matériel et méthode. L'étude a bénéficié du matériel statistique officiel publié quotidiennement, qui est un outil de base et précieux. Il convient de noter que sans ces publications, la méthodologie utilisée pour compter les cas d'infection à coronavirus ne fournit généralement pas de données réelles. En Espagne et dans de nombreux autres pays, il n'a pas été calculé car il n'y a pas suffisamment de tests pour de telles analyses. Cependant, cela ne modifie pas les résultats de cette étude car elle est basée sur la méthode d'infection comparative plutôt qu'absolue. Par conséquent, afin d'éviter les erreurs statistiques, nous comparons la valeur de densité à des cas confirmés de coronavirus exprimés en nombre de cas par 1000 habitants, au lieu des valeurs absolues. Étant donné que le critère de comptage utilisé par les autorités sanitaires dans le même État ou la même ville est le même, la comparaison des valeurs publiées pour différentes villes ou régions sera également fiable pour les statistiques. Les comparaisons entre différents pays de cas confirmés à l'exclusion de cas asymptomatiques seront également fiables. L'exception possible d'un pays non transparent qui pourrait manipuler la publication des données échappe au contrôle de cette étude. La méthode utilisée a été de comparer l'incidence, entre parenthèses, le nombre de cas pour 1000 habitants, fermez la parenthèse, entre les pays avec et sans technologie 5G, entre régions d'un même pays avec et sans technologie 5G, entre les villes du même État avec et sans technologie 5G, entre différents quartiers d'une même ville avec la carte du réseau 5G dans cette ville, comparaison d'États avec des frontières communes avec ou sans technologie 5G, comparer le cas d'un État dans un autre comme c'est le cas de Saint-Marin. Les données de chaque carte ont été prises le même jour. Là, je ne peux pas tout détailler ça parce que ça parle des tableaux. Je vais continuer. Pourquoi Saint-Marin? Parce que la nature autonome de l'État et ses relativement peu de restrictions sur l'utilisation des radiofréquences en font l'endroit idéal pour tester les derniers développements en matière de connectivité des télécommunications. Si l'on considère les plus petits pays inclus, la pire pandémie au monde est actuellement enregistrée à Saint-Marin avec 101 cas dans un pays de 33 400 habitants. Les données pour les villes avec 5G devraient être liées au nombre d'infections dans ces villes. Les données par ville n'étant pas disponibles, la comparaison a été faite avec les données des régions autonomes. Cela entraîne une dilution de données des capitales avec celles de leur région. C'est pourquoi la comparaison dans les régions autonomes avec une ou deux provinces est plus significative. Extremadura, Murcie, Madrid, Navarre, La Rioja, les îles Baléares, les Asturies et les îles Canaries. Toujours à Escadi, puisque les trois capitales ont la 5G. Résultats et discussions. Pour savoir si le résultat obtenu est ou non celui d'un phénomène aléatoire, une analyse statistique des résultats d'une expérience doit être effectué. pour calculer la probabilité de la survenance de l'événement. Le calcul de probabilité est obtenu en divisant le nombre des cas favorables par le nombre des cas possibles. Si le résultat montre qu'il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire, il montre une raison causale suffisante pour analyser les causes. Pour éliminer toute erreur à la hausse, nous opterons toujours pour l'option numérique la plus conservatrice. Calculons donc la probabilité des trois exemples analysés ci-dessous. A. Probabilité que les 9 pays les plus contagieux de la planète soient des pays avec des réseaux 5G. Il y a 194 pays sur la planète. Au 6 mars 2020, selon GSMA, 24 pays disposaient de la technologie 5G. La probabilité est de 1 sur 680 millions. Si l'on inclut le Japon, qui a également la 5G et des taux d'infection similaires à ceux de la Corée du Sud, la probabilité est de 1 sur 8 trillions 500 millions. Probabilité que les 5 pays les plus contagieux d'Europe disposent de la 5G. Il y a 49 pays en Europe, parmi lesquels il est actuellement difficile de savoir s'ils déploient actuellement la 5G, car il y en a 5 qui ont déclaré un moratoire. Beaucoup d'autres n'ont pas de réseau opérationnel, excusez-moi, bien que les entreprises publient comme si elles étaient déjà opérationnelles lorsqu'elles ont signé des accords. Nous allons le calculer à la baisse comme une option prudente. Nous supposerons qu'environ 15 pays ont des systèmes 5G opérationnels. La probabilité est de 1 sur 637. Le cas de Saint-Marin est très significatif. Il est situé sur le territoire italien, avec une culture, une économie et un niveau social similaire, mais présente des taux d'infection beaucoup plus élevés. La seule différence est le temps d'exposition et de ses citoyens au rayonnement 5G, car il a été le premier État au monde à mettre en œuvre une telle technologie le 4 septembre 2018, alors qu'en Italie, c'était le 5 juin 2019. Cela ouvre la porte au débat, même sur l'influence probable de la 5G sur l'augmentation des taux d'infection. La probabilité est de 1 sur 37636. Ces chiffres sont suffisamment éloquents pour rendre utile le calcul des autres cas. Les résultats pour la ville de Barcelone indiquent que les facteurs sociologiques n'ont pas une influence significative sur les taux d'infection. Mais si nous voyons une relation claire avec la carte de la couverture 5G, qui, ajoutée à la couverture 4G, nous donne une corrélation entre la couverture mobile et la proportion de cas de coronavirus. Si davantage de données étaient disponibles, cette étude devrait être étendue à d'autres villes. Les résultats. Les résultats obtenus démontrent une relation claire et étroite entre le taux d'infection à coronavirus et l'emplacement de l'antenne 5G. 2. Cette étude n'analyse pas les effets bénéfiques ou nocifs sur les humains du rayonnement électromagnétique 5G. Cependant, cela indique une cause à effet possible sur la pandémie actuelle. 3. Un effet frontière est significatif, original et unique à cette pandémie. Il présente des différences marquées entre les États contigus avec et sans installation 5G. Il est particulièrement significatif que les pays limitrophes de la Chine aient des taux d'infection très faibles. On peut également comparer le Mexique et les États-Unis ou le Portugal et l'Espagne. Le cas de Saint-Marin est particulièrement significatif. Il a été le premier État du monde à installer la 5G et, par conséquent, l'État dont les citoyens ont été exposés au rayonnement 5G le plus longtemps et, de manière suspecte, le premier État au monde infecté. La probabilité que cela se produise est de 1 sur 37636. Dans les villes étudiées, Madrid, Barcelone et New York, cette corrélation est également observée. Dans l'étude de la ville de Barcelone, on constate que le facteur socio-économique joue un rôle important. Il est très significatif que sur le continent africain, avec des ressources de santé limitées, mais sans 5G, le taux d'infection soit très faible, à l'exception de certaines antennes en Afrique du Sud qui présentent également des taux d'infection plus élevés en Afrique. Les taux d'infection sont dilués. Les taux de certaines régions influencés par les villes avec 5G, mais les taux d'infection de ces villes sont dilués dans ceux de la région à laquelle ils appartiennent. Il est donc plus important, comme dans le cas de l'Espagne, de comparer les régions autonomes uniprovinciales que parmi celles qui sont formées par trois ou plus des anciennes provinces. Ainsi, nous constatons que certaines régions avec 5G, comme la Rioja, Madrid et la Navarre, ont des taux entre 4 et 8 fois plus élevés que d'autres sans 5G. Il en va de même dans d'autres villes du monde où le réseau 5G ne couvre pas tout le territoire de l'État ou de la région. Ces données et résultats ont la valeur d'être pris in vivo et non sur la base d'études prospectives ou de laboratoires. Jamais auparavant, nous n'avions autant d'informations épidémiologiques sur la maladie chez l'homme pour pouvoir produire des études scientifiques. Un moyen de répondre à la question de cause à effet serait de déconnecter les réseaux 5G, au moins à titre préventif, et de voir les résultats de l'évolution des nouveaux cas de coronavirus. Il en serait de même pour étudier le taux d'infection dans un État qui a déclaré un moratoire 5G après le début de la pandémie et étudier les statistiques changent. Compte tenu des preuves présentées ici, les données et les conclusions de cette étude doivent être prises en considération de toute urgence. Compte tenu de la gravité actuelle de la pandémie, les médias et les autorités politiques et sanitaires ont la responsabilité de prendre des mesures urgentes. C'est signé Bartomeu Paieras, 14 avril 2020. Il existe une note du traducteur, ça c'est Claire Edwards qui dit ça. Il existe une contradiction entre le dernier paragraphe de la section « Résultats et discussions » et dans le paragraphe 5 de la section intitulée « Constatations ». Dans l'un, il est indiqué que les facteurs sociologiques n'ont pas d'une influence significative sur le taux d'infection et dans d'autres, ils le sont. L'auteur est un biologiste spécialisé en microbiologie travaillant à l'Université de Barcelone qui a publié plusieurs articles de recherche. Il a travaillé et recherché des bactéries et des virus de la variole dans les laboratoires pharmaceutiques Huber de Barcelone. Il a créé et travaillé au département de microbiologie marine du laboratoire océanographique de Palma de Majorque. Analyse clinique du Centre analytique Clinicos à Palma, génie génétique, échange épisiologique entre Paracolabacer et Citrobacter C3 avec un bactériophage, biogramme, méthode d'évaluation de l'activité de la vitamine B12, étude de la contamination bactérienne marine dans le port de Bão. Professeur de mathématiques, de physique, de chimie et de biologie à l'IEM, découvreur du code d'Ali avec lequel il a crypté ses cadeaux dans ses tableaux. Second article. La grande arnaque du COVID-19, le dessous des cartes, par Michel Duchesne. Pendant des semaines, je me suis réveillée chaque matin en espérant me trouver dans le monde normal au lieu dans cette réalité alternative. Le monde normal dans lequel les hommes peuvent parcourir les collines, prier dans l'église, aller travailler, rester au bord de la mer, écouter un concert, visiter des musées, socialiser avec les amis, flirter avec des filles, envoyer des enfants à l'école. En bref, avoir des petits plaisirs que les gens avaient eu même sous Staline ou sous Hitler. Au lieu de cela, je me réveille constamment pour jouer un rôle dans un film dystopique réalisé par Steven Soderbergh, qui, sans surprise, a été nommé à la tête du comité Hollywood Corona. Je présume que c'est ce comité qui gère nos vies en ce moment et non les présidents et les premiers ministres élus. Il a joué très près du scénario du film Contagion. Le virus aura été créé par la proximité de chauves-souris ou d'autres mammifères sur le marché humide chinois. Il s'est rapidement répandu dans le monde entier. Il y a eu un verrouillage très long pendant que les gens attendent leur salut, le vaccin. En attendant, il existe des solutions bon marché et disponibles fournies par des hacks corrompus. Finalement, le vaccin est livré et les vaccinés reçoivent une bande de certification à porter au poignet comme preuve qu'ils sont sûrs d'entrer dans l'avenir. Tout cela a été fait. Le rôle du hack corrompu a été joué par le docteur Didier Raoult, médecin français de Marseille. Maintenant, nous sommes censés attendre que le docteur Bill Gates fournisse le vaccin de sauvegarde pour tamponner ceux qui le méritent avec un tampon indélébile, lisible en infrarouge sur les smartphones. Ajoutez à cela la nouvelle application de traçage de Google et Apple. La fille du traceur du Mossad, Shin Bet, et le nouvel ordre mondial sera réalisé. Oups! Le coronavirus n'est pas suffisamment meurtrier pour justifier le verrouillage et la panique massive, sans parler de la vaccination, du traçage ou de la pose du tampon et des libelles sur le bras. Ce n'est pas grave, décident les producteurs-réalisateurs. Tous les médias travaillent à l'unisson pour nous fournir suffisamment d'horreur et de panique sans virus mortel. Rappelez-vous, nous avons organisé une guerre contre le terroriste alors que les terroristes étaient un petit corps de bandits élevé par la CIA. L'article suivant, ça a été écrit le lundi 27 avril par Mike Stone. COVID arnaque. Connaître ses amis, ses ennemis et les traîtres. Avertissement de Henry Macau. Ce sont les opinions de Mike Stone, pas les miennes. J'ai tendance à être plus indulgent à l'égard des conformistes qui se laissent abuser par la scandémie. Excusez. Notre société est possédée par le satanisme, tout comme les conformistes. Pensez au film L'Exorciste que je vous recommande. Nous devons être les exorcistes. Il a été dit que la meilleure façon de juger le caractère d'une personne est d'observer comment elle se comporte sous la pression. Beaucoup de gens tiennent un bon discours, mais tant que vous ne les voyez pas réagir en situation de crise, vous ne les connaissez pas vraiment. Cela est particulièrement évident dans les réactions des gens au canular actuel sur le virus. Je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes que je connais personnellement et qui ont pleinement conscience que ce qui a commencé comme le coronavirus et qui a depuis été étiqueté COVID-19, certificat de vaccination ID-19, n'est rien d'autre qu'un banal virus de la grippe. D'autre part, je connais littéralement des dizaines de personnes qui croient réellement ce que leur disent les médias menteurs, que le COVID-19 est une sorte de mystérieuse pandémie mortelle qui peut se transmettre d'une personne à l'autre si elles se tiennent à moins de 2 mètres l'une de l'autre. Laissez-moi vous dire très clairement que ces idiots, ces négateurs du COVID-OAX, COVID-arnaque, sont l'ennemi. Cela peut vous sembler un peu dur. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Lorsque le but du jeu est la vaccination forcée et une population micro-pucée, alors quiconque le soutient de manière que ce soit vraiment votre ennemi. Comment pourrait-il en être autrement? Les citoyens qui sont de connivence avec une force d'invasion sont beaucoup moins dangereux que la force d'invasion elle-même. Il est vrai que beaucoup de ces personnes sont des moutons sans cervelle et effrayés, mais cela ne les absout-il pas lorsqu'ils ont accès eux-mêmes aux informations pour tous? Mon meilleur conseil est de laisser ces personnes en dehors de votre vie. Ne dépensez pas d'argent dans leur entreprise, ne visitez pas leur site web, ne leur faites pas de publicité pour les annonceurs, ne vous lancez pas dans une discussion avec eux et ne leur envoyez pas de courrier électronique. Ayez affaire à eux le moins qu'il est humainement possible. Bien sûr, vous devez essayer de les éduquer, mais vous pouvez leur montrer des faits, des informations et de la science, mais à mon avis, à moins qu'un... moins d'un sur mille prendra la peine de regarder les documents que vous leur donnez. C'est dire à quel point ils sont tous stupides. Quand l'enfer se déchaînera, et cela pourrait être plus tôt que nous le pensons, ce sera chacun pour soi. Ces imbéciles de négationnistes pourraient très bien vous entraîner avec eux dans leur chute. Tous ceux qui ont déjà combattu vous diront qu'un mélange de peur et de stupidité est mortel. Une fois que les balles commencent à voler, les gens, comme ça, ne se font pas seulement tuer. Ils font aussi tuer tous ceux qui les entourent. Des idiots sans cervelle. Si vous êtes jeune et que vous écoutez ceci, laissez-moi vous dire que les adultes dans votre vie, vos professeurs, vos conseillers, médecins, tantes et oncles, et oui, même vos parents, sont presque tous des idiots sans cervelle. Ils en savent assez pour gagner leur vie. Certains d'entre eux sont des diplômés d'universités prestigieuses. Certains d'entre eux peuvent même vous aimer, mais leur comportement pendant cette crise vous dit qui ils sont et très probablement au mieux des crétins, au pire des traîtres. En parlant des traîtres, quiconque fait activement la promotion de ce COVID au axe, que ce soit au gouvernement, dans l'éducation, dans les médias ou dans le domaine médical, est coupable de trahison. Tous, chacun, un à un. Ces personnes ne devraient pas seulement être évitées, elles devraient être arrêtées, poursuivies et condamnées. Bien sûr, cela n'arrivera pas. Mais la foule de QAnon s'éveille à cette réalité. Les lignes de bataille ont été tracées. Le plan de l'ennemi est clair. Ils nous ont montré exactement ce qu'ils ont l'intention de faire. Ce n'est pas une prophétie lointaine de la fin des temps. Cela se passe ici et maintenant. Et vous devez vous commencer à vous préparer au pire. La première étape est de commencer à économiser de l'argent. Ne dépensez pas un centime pour des conneries frivoles. Avec l'effondrement de l'économie, vous allez avoir besoin de tout ce que vous avez. Vous aurez peut-être besoin d'acheter des armes ou des munitions. Vous aurez peut-être besoin d'opérer au marché noir. Vous aurez peut-être besoin de soudoyer quelqu'un pour vous sauver, vous ou votre famille. Économisez votre argent dès maintenant. La deuxième étape consiste à commencer à manger aussi sainement que possible tant qu'il y aura encore de la nourriture saine. Débarrassez-vous de tous ces déchets transformés. Ne consommez rien qui se trouve dans une bouteille, une boîte de conserve, un sac, un emballage ou une boîte. Ce n'est pas seulement pour votre corps, mais pour votre cerveau aussi. Vous allez devoir penser clairement à un moment où le reste de la population panique. La troisième étape est de faire de l'exercice. Homme ou femme, vous devez commencer à faire des pompes ainsi que des flexions des jambes, quelque chose pour votre taille, des tractions si vous avez accès à une barre. Vous n'avez pas besoin de devenir fanatique et vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent. Ma barre de traction est un tuyau métallique de 2,5 mètres de long que j'ai trouvé dans une ruelle. Il y a un endroit dans ma cuisine où il se trouve parfaitement entre l'étagère supérieure d'une armoire et celle d'une autre armoire. C'est la meilleure barre de traction au monde et elle ne coûte pas un centime. Étape 4, et cela devrait être également l'étape 1, consiste à embrasser le catholicisme traditionnel avant Vatican II. Si vous ne voulez pas entendre cela, qu'il en soit ainsi, mais c'est mon devoir sacré de vous informer. C'est à vous de choisir, quelles que soient vos croyances religieuses. Il est difficile de nier que ce que nous voyons actuellement est directement tiré de l'Apocalypse 13:2.16-18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vous pouvez ne pas croire en Satan, et dans l'effort du mal, c'est votre choix. Mais les instigateurs du COVID OAX, eux, y croient assurément et ils agissent en conséquence. Mike Stone, le 24 avril 2020. Le prochain article est sur Bill Gates. Nouvel ordre mondial. Mais d'où vient Bill Gates? Par Michel Duchesne. Bill Gates coche toutes les cases d'un agent clé Illuminati, pervers, crypto-juif, monstre contrôlé, tueur. Récemment, j'ai été contacté par quelqu'un qui connaissait intimement Bill Gates depuis le début des années 90, alors que Gates était à la fin de la trentaine. On m'a donné le nom de cet intime et tout est vérifié. Cet intime dit « Il était effrayant, comme le genre d'angoissant dont vous parlez. Il était très secret. Il était l'initiative de nombreuses entreprise de technologie, mais en gros, il m'a dit que Gates ne faisait que regarder du porno toute la journée et avait des relations avec des femmes très déviantes. Ils lui ont trouvé Melinda comme couverture. Le mariage a eu lieu en 1994. La source poursuit. Fondamentalement, l'intime m'a dit que Bill Gates était un grand drogué du porno. Ils utilisaient beaucoup de drogues récréatives ensemble. Bill Gates avait également plusieurs partenaires sexuels déviantes. Une dépendance sexuelle et finalement le sexe était devenu une telle dépendance qu'il interférait avec son travail. Un groupe d'amis a trouvé un moyen de l'éloigner des filles. Je suppose que les gens le découvraient. Entre le porno et les copines, sa famille a dû lui trouver une femme honnête. Alors, ils se sont arrangés pour lui faire rencontrer Melinda lors d'un pique-nique. Je suis sûr que vous le savez, mais les vaccins de la Fondation Bill Gates ont tué des dizaines de milliers d'enfants en Inde. Rien qu'en 2011, la campagne de vaccination contre la polio de Bill et Melinda Gates en Inde a causé 47 500 cas de paralysie et de mort. Les médias ne les ont pas couverts, mais cela existe. La Fondation a travaillé à développer des outils basés sur des preuves qui aident à persuader des parents américains réticents à vacciner. Nous pouvons ajouter à tout cela, ils développent une technologie pour changer le climat. Vous pouvez trouver ces conférences sur YouTube. Il possède pratiquement Monsanto maintenant, tout comme le développement de la technologie et des cultures agricoles. Certaines de ces cultures nuisent à la fertilité, et maintenant le vaccin mondial et des programmes de réduction de la population. La famille de Bill Gates est ancrée dans le mouvement eugénique. Son père était président de Planned Parenthood. Je ne suis pas un chirurgien du cerveau, mais ce n'est pas sorcier pour voir que tout ce que cela implique. Bill Gates et sa femme font régulièrement une apparition à l'église catholique du Sacré-Cœur de Bellevue. Maintenant, voici pour rire. Un monstre contrôlé. Comme mes amis, comme mes lecteurs le savent, le monde est contrôlé par un culte satanique, les Illuminati, qui se composent de juifs kabbalistes et qui se sont croisés avec d'autres satanistes générationnels. Leur objectif est de posséder et de contrôler tout, y compris votre esprit et votre âme. Nos dirigeants politiques et culturels sont leurs garçons de course. Bill Gates est un excellent exemple de la façon dont il exécute ce programme en utilisant ses fondations caritatives disposant d'une exonération fiscale. Probablement, ces personnes sont autorisées à atteindre leur richesse à condition qu'elles l'utilisent pour la cause de Satan. Pour ça, vous pouvez voir les millionnaires promettre la moitié de leur fortune à la charité. L'article suivant, encore sur Bill Gates, crypto-juif, faux chrétien. Une source de haut niveau révèle que Bill Gates est juif. Selon le neveu de John Bolton, Craig T. Dixon, un ami du lycée, franc-maçon et informateur profondément lié à la franc-maçonnerie, Bill Gates cache au public le fait qu'il est un vrai juif. Dixon a déclaré que le père de Bill Gates Sr., avait pris la décision, il y a longtemps, de cacher le fait qu'il était juif parce qu'il pensait qu'il y avait beaucoup trop de juifs en premier plan en Amérique. Il ne voulait pas que les gens se méfient de ce fait. Donc, juste pour cela, il est devenu chrétien. Bill Gates Sr. a une histoire drôle pourquoi il a fait cela. Si vous consultez sa biographie sur Wikipédia, il indique qu'il a changé le nom de Bill Gates II en simplement Bill Gates Jr. pour éviter l'apparition de l'élitisme, déclare-t-il ouvertement dans l'article. Dixon a déclaré que la mère de Bill Gates, Mary Maxwell Gates, est également juive et a également joué son rôle dans la ruse crypto-juive de la famille Gates, en allant jusqu'à l'extrême, en commandant un portrait de peinture à l'huile arrangé pour lui donner l'air plus arienne que son look de juive. Si vous consultez la biographie de Bill Gates sur Wikipédia, entre parenthèses, est contrôlée par les juifs, il est dit que Bill Gates prétend être d'origine anglaise, allemande, écossaise, irlandaise, ce qui est, d'après Dixon, un mensonge flagrant. Dixon a expliqué comment il s'agit exactement du même type de tromperie raciale utilisée auparavant par les nazis crypto-juifs Himmler, S. Mengele, Eichmann et Goebbels pendant la Seconde Guerre mondiale afin de façonner la direction de la guerre en contrôlant la plupart des décisions d'Hitler. Les crypto-juifs nazis Himmler, S. Mengele et Eichmann. Actuellement, la même tromperie des Juifs se faisant passer pour des Allemands est utilisée par l'eugénisme autodéclaré Bill Gates pour décimer encore une fois la population mondiale, cette fois en utilisant des OGM et des vaccins qu'il finance abondamment. La décision est de camoufler davantage la véritable identité de Bill Gates en tant que Juif est basée sur le fait que les Juifs diffusent leur génétique juive partout et augmente ainsi considérablement leur population tout en dissolvant simultanément les populations non-juives de la planète. La prise du contrôle de la population est par définition le nouvel ordre mondial lui-même. Ainsi, les Juifs qui sont issus d'une espèce néandertalienne gouverneront le monde sans la menace de l'espèce Cro-Magnon. Ici, je vais faire une parenthèse. Quand que l'article parle des Juifs, il ne parle pas du peuple juif d'Israël qui sont de bonnes personnes. Il parle plutôt des Juifs qui sont issus de la mafia Khazar. Ça, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Ces Juifs-là, ça remonte à 1776 et ils étaient situés en Europe centrale. Je vais fermer la parenthèse, je vais continuer mon article. Décrire Bill Gates comme un chrétien blanc est un stratagème utilisé comme un outil de recrutement psychologique, a déclaré Dixon. Pour essayer d'amener plus de chrétiens dans des méga-églises contrôlées par les juifs et pour se faire laver le cerveau, pardon, à l'image des évangélistes américains qui sont devenus plus juifs que chrétiens, c'est aussi pourquoi Bill Gates et Microsoft ont tenté d'acheter l'Église catholique. Le Salina Journal, Salina, Kansas, du 18 décembre 1994, relate cette histoire qui est vraie. Les Juifs pourraient aussi vouloir que le public pense que Bill Gates est un chrétien blanc de sang allemand et irlandais parce que la majorité des flics en Amérique sont d'origine allemande et irlandaise. N'oubliez pas, ça a été écrit en 1994. Des flics qui se sentiront probablement bien dans leur peau en croyant qu'ils sont génétiquement liés au cerveau Bill Gates. De même, il doit aider les Juifs à contrôler une force de police sur la ligne de front juive de l'État policier manipulé s'ils croient qu'ils sont intellectuellement supérieurs à tous les autres, y compris les Juifs qui les manipulent quotidiennement tout en restant complètement ignorants. On ferme la parenthèse. On continue avec Dixon. Dixon a déclaré que Bill Gates était raffiné, soigné et finalement dans la meilleure position que tous les autres Juifs d'élite pour tromper les goyims. L'égoïme, c'est les non-juifs, en leur faisant croire qu'il est un cerveau informatique et qu'il a donc été choisi par les juifs d'élite pour agir en tant que leader menant à l'ère de l'ordinateur. Et puis, important encore, le contrôle de son logiciel de système d'exploitation. Ce système d'exploitation que tout le monde dans le monde doit utiliser pour communiquer et qui, par conséquent, doivent être contrôlés par des Juifs. Bill Gates et Microsoft n'ont pas créé Windows. Ils l'ont simplement acheté pour 100 000 $ à deux goyims en Californie qui l'ont effectivement créé. Cette réalité est mise en évidence dans le documentaire de PBS intitulé « The Triumph of the Nerds ». Dixon a déclaré que la raison pour laquelle les Juifs doivent contrôler le premier logiciel d'exploitation du monde est qu'ils peuvent espionner tous ceux qui l'utilisent. En conservant un dossier de leurs activités pour être utilisé contre eux plus tard dans le cadre de leur plan de domination mondiale, tout en veillant à ce que toutes les menaces potentiellement légitimes soient neutralisées. Le fait que Bill Gates ment pour dissimuler sa judéité, détourne à son tour la critique internationale de ses pratiques commerciales crypto-juives directement sur des innocents goyims du monde entier en leur faisant croire qu'il en fait partie. Microsoft a été poursuivi à plusieurs reprises pour des pratiques commerciales hostiles qu'ils utilisent pour maintenir la suprématie des logiciels espions dans leur système d'exploitation pour lequel seuls les Juifs d'élite pourraient s'en servir. Tous Juifs. Tous les fondateurs initiaux de Microsoft Corporation en 1978 sont des Juifs, a déclaré Dixon. Et les Juifs d'élite sont de connivence pour qu'il en soit ainsi, simplement en achetant, en prenant le contrôle avec hostilité ou simplement en volant des logiciels concurrents de toute entreprise qui montre une menace intellectuelle potentielle pour la dominance sur le marché des systèmes d'exploitation. Un marché, selon Dixon, qui en réalité est géré et contrôlé uniquement par des Juifs d'élite qui contrôlent non seulement Microsoft, mais Apple, Linux et maintenant Android. Cette équipe Microsoft, entièrement juive de 1978, a été réunie et organisée par des Juifs d'élite pour prendre le contrôle total de tous les logiciels du système d'exploitation dans le monde. Dixon a déclaré que permettre aux non-juifs de prendre le contrôle du système préféré mettra en danger les Juifs pendant un millénaire. Bill Gates reste crypto-juif parce que son père a reconnu que les Juifs contrôlaient simplement trop de méga-sociétés, de banques et d'industries en Amérique et à l'étranger. Il s'inquiète que sa véritable identité de Bill Gates en tant que juif venait à être révélée. Ce serait mettre en évidence le fait que les juifs possèdent tout ce qui a de la valeur en Amérique. La source est « Jewish Bill Gates, crypto-Jew, pseudo-Christian ». Bill Gates, aristocrate juif. Nous avons vu dans le précédent article que Steve Jobs était juif. Eh bien, Bill Gates aussi. Il en est de même et il est de la même famille que les Bush et tous les autres présidents. Ceci n'est pas une conjecture, c'est affiché sur Jenny.com. Mais vous devez creuser un peu. La réponse est disponible. Il vous suffit de poser la question et de ne pas être détourné par d'autres personnes. Ne demandez pas aux gens sur les forums, ne demandez pas à Snoop, ni à Yahoo, ni sur les sites d'information, ni à Jew or not Jew. Demandez les généalogies et préparez-vous à aller en profondeur. Pour commencer, il y a le mystère et la mystification habituelle du nom de Bill Gates. Il est parfois répertorié comme Bill Gates Jr. et parfois comme Bill Gates 3. Les deux ont tort. Selon les documents, son père et son grand-père et son arrière-grand-père s'appelaient tous William Henry Gates, ce qui ferait de lui Bill Gates 4. Bill est censé être un génie, mais il semble que ces gens ne peuvent même pas compter jusqu'à 4. Alors que les corbeaux peuvent compter jusqu'à 4. Donc, les Gates ne sont pas aussi intelligents que ces oiseaux. Une grande partie de la généalogie de Bill Gates est nettoyée, mais nous pouvons toujours la voir. Gates n'est pas seulement un Gates, il est un Gibbs, un Curtis, un Maxwell, un Reed et un Oakley. L'un des récents ancêtres d'Oakley de Bill a épousé une Judge. G-U-D-D. C'est clairement juif. Dans la lignée Curtis, ils étaient également liés à Moores, Randalls, Perrys, Lowe's, Fishes, Lincoln et Palmers. Les Lincoln de Plymouth sont bien évidemment juifs avec des prénoms comme Caleb, Mordecai, Ephraim, Ruth, Hulda et Joshua. Vous pouvez lire la suite sur Bill Gates, Jewish aristocrate. En complément, le culte satanique des Illuminati. S'il s'agissait d'un film, il serait rejeté pour cause d'invraisemblance. Nos dirigeants ne sont pas choisis pour leur intelligence ou leur accomplissement, mais plutôt pour leur capacité de gagner la confiance des peuples pour mieux les trahir. Ils sont choisis par une petite clique satanique de banquiers, kabbalistes et de francs-maçons qui contrôlent les finances mondiales et les médias. Nos dirigeants sont les membres subalternes de ce culte international appelé l'Ordre des Illuminati. Un transfuge Illuminati de haut rang, entre guillemets, Rothschild dirige avec des sorcières druidiques. Halloween est un moment important pour apprendre qu'un grand conseil druide composé de 13 sorciers contrôlés par les Illuminati se réunit 8 fois par an pour des sabbats, y compris l'Halloween. Alors que des millions de pratiquants se livrent à des orgies occultes qui impliquent parfois des sacrifices humains. Ma source d'information est le plus haut transfuge des Illuminati de l'histoire. Un sorcier grand prêtre, un membre du Conseil des 13 de la lignée Illuminati Collins, qui a importé la sorcellerie aux États-Unis au 17e siècle. Il dévoile les Illuminati comme une vaste conspiration occulte très organisée et puissante qui détient l'humanité dans un étau satanique. Les Illuminati sont constitués par des milliers de complots fonctionnant en parallèle, dit-elle. Par exemple, les vœux et les rites d'initiation de la sorcellerie renvoient à ceux de la franc-maçonnerie. Son nom est John Todd, entre parenthèses aussi Christopher Collins. En 1972, lorsque Todd a été, entre guillemets, sauvé et exposé par les Illuminati, il régnait sur une région de 13 États américains constituée de 5 000 couvents, c'est-à-dire totalisant 65 000 prêtres et prêtresses. Il ne s'agit que de ministères et non de la congrégation. Ce champion de l'humanité serait reconnu aujourd'hui dans un site Internet maintenu par James, entre guillemets, un Américain vivant au Japon et un autre appartenant au redoutable Wes Penry. Les sceptiques disent que si les Illuminati étaient réels, il y aurait des transfuges. Il y a beaucoup de transfuges. Les cliniques qui traitent du contrôle mental de la CIA et des abus rituels sataniques en sont pleins. Mais ceux qui parlent sont éliminés. En 1987, Todd fut accusé de viol et condamné à 30 ans de prison. Selon Fritz Springmeier, quand Todd fut libéré en 1994, il fut enlevé par un hélicoptère et assassiné. Mais sur le site Internet de James présente un dossier selon lequel Todd fut libéré de la prison en Caroline du Sud seulement en avril 2004 pour y être à nouveau incarcéré dans l'unité de traitement des troubles du comportement du département de santé mentale de la Caroline du Sud. Les appels au directeur Chad Lominick n'ont jamais reçu de réponse. Quelqu'un pourrait-il savoir si Todd est toujours là, en vie? Nous lui devons bien ça au moins. Todd a fourni de nombreuses révélations choquantes que Fritz Springmeier confirme ne pouvant venir que d'un homme étant en fait un membre du Conseil des 13. Les Illuminati utilisent les Juifs. S'exprimant en 1978, Todd a dit que les Illuminati utilisent les Juifs comme façade. Les Illuminati savent que les gens vont finir par savoir quelque chose à leur sujet. La meilleure chose qu'ils peuvent faire est d'attirer votre attention sur autre chose et dire « voici de quoi il s'agit ». Alors, ils ont porté l'attention sur le sionisme. Le seul problème, c'est que la plupart des gens appartenant aux Illuminati ne sont pas juifs. Leurs fondateurs étaient des juifs par naissance, mais par la religion. Mais la plupart de ces dirigeants, à l'exception de Rothschild, sont gaéliques, écossais ou français. Cela n'a rien à voir avec les juifs. Ma famille et la plupart des personnes qui servent le grand druide, leurs arbres généalogiques remontent au temps païen de Rome et de Grèce et d'Angleterre à la prêtrise d'origine. Certains remontent aussi loin que l'Égypte et Babylone. Cela n'a rien à voir avec les Juifs. Entre parenthèses, David Livingston écrit « Elizabeth Hirschman et Donald Yates, dans leur étude, Quand l'Écosse était juive, documente l'origine juive de nombreuses grandes familles d'Écosse, en commençant par les Sinclair, les Stuart, mais aussi les familles Ford, Bruce, Campbell, Gordon, Caldwell, Fraser, Leslie, Christie, Kennedy et Cohen, ou bien Cohen. Fermez la parenthèse. Todd indique clairement que les Rothschild, une famille de kabbalistes juifs sabbatéens, sont en haut de la hiérarchie des Illuminati. Les Rothschild dirigent les Illuminati dans tous les pays où ils ont de la famille, étant la tête des Illuminati. Aux États-Unis, nous avons les Rockefeller. David Rockefeller est à la fois à la tête du Conseil des relations étrangères, de la commission trilatérale, qui sont les dons que les Illuminati utilisent aux États-Unis. Sur le sommet de chaque pyramide, vous verrez une pierre angulaire avec un œil dedans. La pierre angulaire est la famille Rothschild et le tribunal qui régit les Illuminati. Ils en furent les créateurs. L'œil est Lucifer, leur dieu et leur voix. Les trois premiers blocs supérieurs sont sur toutes les pyramides. Le bloc supérieur est ce à quoi j'ai été initié, le Conseil des 13, appelé le Conseil du Grand Druide. Ils ne reçoivent les ordres que des Rothschild et de personne d'autre. Ils ont leur prêtrise privée. Le Conseil des 33 est directement sous eux. Ce sont les 33 plus hauts francs-maçons dans le monde. Vient ensuite le Conseil des 500, constitué par quelques-unes des personnes les plus riches du monde et leurs conglomérats, y compris les Bilderberg, les familles comme Dupont et les Kennedy. Le Golden Dawn, en français, l'aurore dorée, est l'organisation de la sorcellerie, le quatrième bloc là-haut, et c'est le convent privé des Rothschild. Ils choisissent chaque membre personnellement. Il dit que C.S. Lewis et J.R.R. Tolkien étaient tous des membres du Golden Dawn. Le grand druide Isaac Bonswitz, oups, là, il était pas facile, celui-là, et l'ACLU ont mis en place une organisation chargée de poursuivre les chrétiens qui diffament le culte. Ils incluent la Scientologie, le Conseil national des Églises dans la structure Illuminati. La défection de Todd. Todd fait remonter l'origine de sa défection à une réunion qui a eu lieu autour de la fête du travail en 1972. Ils avaient reçu 8 lettres par la valise diplomatique de Londres. Le docteur Raymond Buckland rompit le sceau qui retenait et en sortit 6 lettres qui étaient scellées de la marque Illuminati. Les 4 premières concernaient tout simplement les affaires, l'argent que nous avions à payer ici et là, et ainsi de suite. En fait, le conseil du Grand Duide n'est constitué que rien d'autre que de glorieux banquiers. Ils signent des millions de dollars de chèques à des gens dans des domaines politiques et religieux à tous les mois. Mais les 2 dernières lettres m'ont conduit à vouloir en sortir. Maintenant, si je faisais partie de la mise en place d'un gouvernement mondial, je ricanerais toujours à l'idée que cela puisse arriver, que nous n'étions pas sérieux, que c'était une sorte de petit jeu que nous jouions. Tant que les Rothschild avaient tout l'argent à dépenser pour nos plans, nous sommes allés de l'avant et dépensions l'argent. Je n'ai donc jamais pris ça au sérieux. Jusqu'à ce que nous ayons ouvert les 2 dernières lettres. Sur la première lettre que nous avions ouverte figurait un tableau, et dans ce tableau était élaboré un plan de 8 ans pour la prise en main du monde devant se terminer au cours du mois de décembre 1980. Ensuite, la dernière lettre que nous avons ouverte disait « Nous avons trouvé un homme que nous croyons être le fils de Lucifer. Nous croyons que grâce à ses œuvres et notre soutien, il peut devenir le souverain de ce monde et arrêter toutes les guerres et apporter la paix, enfin dans ce monde dévasté par la guerre. » Cela voulait littéralement dire que nous avions trouvé une personne au pouvoir aussi fantastique qu'il pouvait convaincre les gens qu'il était leur seul salut. Cela veut littéralement dire, en termes chrétiens, qu'il était possédé du démon comme personne ne l'avait jamais été. Todd déclare que le plan de prise de contrôle impliquait un effondrement économique où même les entreprises Illuminati feraient faillite. Ils ont les moyens de survivre à une catastrophe et il affirme que Philip de Rothschild a donné le plan à sa maîtresse Anne Rand pour son roman Atlas Struggle. Todd dit qu'en cas d'effondrement économique, les Illuminati ont formé une force militaire, y compris les détenus, pour s'emparer des États-Unis. Cela renvoie à SVLAI, un autre transfuge des Illuminati qui est entré dans la clandestinité. Il dit que, comme dans la révolution bolchevique, des millions seront tué dans un règne de terreur totale. Todd dit que la seule chose dissuadant ce plan est la possession d'armes répandues parmi la population des États-Unis. Dans les années 80, il a parlé d'un plan visant à réduire le monde en décompte dans une troisième guerre mondiale pour n'épargner que Jérusalem et diriger à partir de là. Dernier point. Comme suggéré plus haut, Todd dit que les Illuminati dépensent beaucoup d'argent à des fins de corruption de personnes, et en particulier les évangélistes chrétiens et prédicateurs. Une grande partie de ce que vous voyez dans les églises pense qu'il vient du libératisme, n'est que des pots de vin. C'est peu difficile pour un ministère de refuser un demi-million de dollars si cela est présenté comme un pot de vin et ils peuvent obtenir des montants encore plus élevés. En fait, une église que je connais a obtenu 8 millions de dollars en 2 ans et un autre 10 millions de dollars en 1 an. Donc, ils peuvent recevoir de l'argent. Todd dit que la musique rock and roll est conçue pour lancer un sort démoniaque sur l'auditeur. Je sais que cela paraît tiré par les cheveux, mais je vous exhorte d'écouter la présentation de Todd sur la sorcellerie du rock and roll sur Internet. Il dit que les Illuminati ont commencé par du rock Jesus pour contrôler le message. Le groupe Kiss signifie roi au service de Satan. King in Satanist Service. Toute personne écoutant les conférences de Todd peut se rendre compte qu'il a été élevé dans le satanisme comme il le prétend et en avait une compréhension profonde. Fritz Springmeier a déclaré que Todd savait des choses qu'il avait mises des années à saisir. Le message de Todd semble trop bizarre pour être cru, mais dans le contexte des faux attentats du 11 septembre, de la guerre hypothétique contre le terrorisme, de la suspension des protections constitutionnelles, de la mise en place d'un État policier, de l'échec du Congrès et des médias, du nivellement par le bas de l'homosexualisation de la société, de la sexualisation des enfants, du satanisme explicite, de la dépravation et de la pornographie dans l'industrie du divertissement, le témoignage prend tout son sens. L'humanité est victime d'une conspiration monstrueuse ayant pris des proportions indicibles. Nos dirigeants que nous payons pour nous défendre contre ce genre de choses sont soit des dupes, soit des traîtres. L'humanité possède l'intelligence et les moyens d'évoluer comme prévu, mais nous sommes entraînés dans un abîme rétrograde par le mal incarné. Que pouvons-nous faire? Ils ont besoin de tromper les masses, aider à répandre la vérité, le culte satanique qui règne sur le monde. En faisant semblant de se convertir, Tsévi a eu recours à une pratique courante parmi les Juifs, mais Tsévi n'est pas un Juif ordinaire. Il dirigeait une hérésie populaire basée sur une souche satanique de la cabane. De la cabale, les rabbins l'avaient dénoncé, lui et ses disciples. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.